perdu le moral en cueillant les fleurs du mal. Dans ma tête c'était la cavale, j'étais prêt à croquer une balle. Puis un type s'est amené avec une cagoule sous son bonnet. Mais quand je l'ai vu déambuler, un sourire s'est esquissé et là je l'avais retrouvé. Le moral est là, qu'est-ce que vous râlez là? Le moral est là, enfin je crois. J'ai perdu l'équilibre, un de ces soirs où j'étais ivre. C'était moi, le funambule, tragicomique dès le préambule. Et je me suis affalé, j'ai rêvé de stabilité. D'éléphant au pied lesté, et là, je l'avais retrouvé. L'équilibre est là, le savile panneau. L'équilibre est là, enfin je crois. J'ai perdu la mémoire, j'ai du mal à croire ce que je peux pas voir. Amnésie, mon âme n'a pas hésité en s'engouffrant dans ce trou noir. Nico ? Ouais, Nico ? Bah vas-y, coupe, ça sert à rien, ça fait 30 fois, on va pas y passer la journée s'il a oublié son texte. Ouais, mais faut bien qu'on se la fasse, là. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Bah, on va faire l'amour. Encore ? Bah ouais. Ok. Enfin, pète d'abord. J'ai perdu la boule. En imitant une poule, j'étais tellement motivé. Je passais toutes mes journées à couver. Mais une vétérinaire a su ramener sur terre trois petits coups d'aiguille dans le derrière. Et là, je l'avais retrouvé. La boule est là, gloire à Moulina. Oh, la boule est là, enfin je crois. Dans les bras d'une fille d'une grande beauté, et perdu sur sa peau ses grains de beauté. J'étais distrait, elle en a profité. Depuis ce jour, je passe mes nuits à la fouiller tendrement, à la charmer pour la faire parler. Ses petits sourires semblent me dire que je peux toujours courir. Alors moi je cours car j'ai trouvé l'amour. Et l'amour.